beaucoup de mots qui finissent en ENT et ANT en français sont semblables en espagnol. Dans de nombreux cas, il vous suffira d'ajouter la lettre finale E prononcée E, ce qui fait que ENT donne en espagnol ENT. Par exemple, pertinent se dit pertinente. E-N-T-E. Ente. Pertinente. Et A-N-T donne en espagnol ante. A-N-T-E. Ante. Par exemple, important se dit importante. Donc, ante et ente. Ante et ente, on insiste sur le an ou en, c'est-à-dire que c'est sur cette syllabe qu'on accentue. Donc, ante et ente. Alors, c'est important pour moi, se dit. Est-ce importante par ami? Importante. Im et an. Il faut entendre le M et le N, parce qu'il n'y a pas de son un et un en espagnol. On prononce toutes les lettres. Importante. Importante. Diferente. Hein? C'est ça, donc. Es importante para mí. Et comment direz-vous, comme ça, ce n'est pas différent? Así no es diferente. Bien, así no es diferente. Diferente s'écrit avec un seul F, parce que le double F n'existe pas en espagnol. Donc, diferente avec un seul F. Así no es diferente. Comme ça, ce n'est pas différent.